بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في سورة الفتح في المسألة 68 بعد المئة 168 مسألة. في قوله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. Dans le sens où Allah dit: certes, nous t'avons accordé une victoire éclatante pour que Allah te pardonne. Al-Fath, versets 1 et 2. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: لا يخفى من وما يسبق إلى الذهن من تنافي هذه العلة ومعلولها لأن فتح الله لنبيه ليظهر كون علة لغفرانه له. Donc il dit dans le sens, en fait, que ce verset laisse croire que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que Allah azawajal ait permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de gagner, est une cause pour qu'il lui pardonne. C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu cette victoire-là, il ne l'aurait pas pardonné. Car le verset dit « liyaghfira laka Allah » pour que Allah te pardonne. Et ça, bien évidemment, s'oppose à ce qui est connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ses péchés lui sont déjà pardonnés, qu'il est parmi les gens du Jannah, bilashak, et qu'il est Sayyid al-Nas, Sayyid Bani Adam, yom al-Qiyamah, qu'il est le chef des fils d'Adam. قال والجواب عن هذا من وجهين. Donc réponse à cet ishkal de deux façons. الأول هو اختيار ابن جرير لدلالة الكتاب والسنة عليه أن معنى إن فتح الله لنبيه يدل بدلالة الالتزام على شكر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الفتح فيغفر الله له ما تقدم وما تأخر بسبب شكره بأنواع العبادة على ذلك على تلك النعمة فكان شكر النبي صلى الله عليه وسلم لازم لنعمة الفتح والغفران مرتب على ذلك اللازم. Donc il dit, première réponse, qui est le choix de Ibn Jarir, c'est que les preuves du kitab de la sunna, par la conclusion par implication, s'appelle dalat al-iltizam, c'est-à-dire qu'on déduit la preuve par implication du texte, veut dire que le fait que Allah ait accordé cette victoire à son prophète démontre que lui remercie, en son voit très reconnaissant, de ce bienfait que Allah lui a accordé. Donc que Allah lui pardonne ce qu'il a commis comme péché précédemment et ce qui viendra par la suite, pour cette reconnaissance, ce remerciement, ce choukr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura accompli par différentes formes d'adoration, pour ce bienfait qu'il aura aussi. Car il est inévitable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus reconnaissant des hommes envers le bienfait de son Seigneur. Donc ça, c'est ce qu'il veut dire par là. أما دلالة الكتاب على هذا ففي قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Et parmi les preuves du kitab sur cela, surat al-Nasr, comme dans le sens où Allah dit que si le secours d'Allah et la victoire viennent et que tu vois les gens rentrer en religion en abondance, alors glorifie ton Seigneur, la gloire de ton Seigneur, et demande-lui pardon. Il est certes accueilleur, grand accueilleur au repentir. قال فصرح في هذه السورة الكريمة بأن تسبيحه بحمد ربه واستغفاره لربه شكرا على نعمة الفتح سبب غفران ذنوبه لأنه رتب تسبيحه بحمده واستغفاره بالفاء على مجيء الفتح والنص ترتيب المعلول على علته ثم بين أن ذلك الشكر سبب الغفران بقوله إنه كان توابا. Donc dans ce verset, il a clairement dit que le fait qu'il fasse un tasbih pour glorifier la louange de son Seigneur et qu'il lui demande pardon, cela en reconnaissance et en remerciement du bienfait de la victoire, que cela est une cause que Allah lui pardonne ses péchés. Selon l'apparent du verset de An-Nasr. Naam. أما دلالة السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض أصحابه لا تجهد نفسك بالعمل فإن الله غفر لك ما تقدم بذنبك وما تأخر. قال فلا كن عبدا شكورا. Et parmi les preuves de la sunna qui démontre justement ce shukr dont on faisait preuve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lorsque certains de ses sahaba lui ont dit, lui ont demandé pourquoi il faisait tant d'efforts dans les œuvres alors que Allah lui a déjà tout pardonné, comme des choses qui précédaient et des choses qui venaient qui allaient arriver, comme cela fut dans le hadith de Aïcha lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait qiyam al-layl à tel point que ses pieds se fendaient. Il a dit: ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? فبين صلى الله عليه وسلم ان اجتهاده في العمل لشكر تلك النعمه وترتب العفران على الاجتهاد في العمل لا خفاء به. Donc il a clarifié, prophète صلى الله عليه وسلم, que son ijtihad, ses efforts fournis dans les adorations, cela en guise de remerciement pour le bienfait qu'Allah lui a accordé. Et donc là, le pardon en résulte pour cet ijtihad qu'il a accompli, et cela est apparent pour tout le monde. Ça, c'est la première réponse qui pourrait être donnée. Al-wajhu thani anna qawlahu inna fatahna yufhamu minhu bidalalati al-iltizam al-jihad fi sabilillah lanahu as-sabab al-a'zam fi al-fath wal-jihad sababun li ghufran adh-dhunub fayakun al-ma'na li yaghfira laka Allah bi sabab jihadika al-mafhum min dhikr al-fath wal-'ilm 'inda Allah ta'ala. Et que l'autre réponse qu'on peut apporter, c'est que le fait qu'ils disent dans le sens nous avons accordé une victoire éclatante, cela également on le prend par conclusion, par implication, qu'il s'agit là du jihad fi sabilillah, car elle est la plus grande des causes pour pouvoir obtenir une victoire, c'est le jihad, et que le jihad est une cause de pardon des péchés. Donc le sens serait que pour que Allah te pardonne pour la cause, par la cause du jihad que tu auras accompli, pour que Allah te pardonne par la cause du jihad que tu auras accompli, et que Allah سبحانه وتعالى هو أعلم البسابون فبيد لكم نكتفي سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.